voulait tout savoir la Dolce Vita. On a grandi mais sans toi je vis pas. Tu sais qu'on n'a pas gagné au loto. J'aimerais savoir ce qu'il faut pour toi. J'ai fait des erreurs pour que ça me serve. J'ai beaucoup voyagé sans me perdre. L'herbe du voisin est beaucoup moins verte. Je représente tous les mecs comme moi qu'on souffert et qui remontent à pente après ça. Je suis parti de rien, battu comme un chien. J'ai vu que dans ce monde y'a pas que le terrain. Même si je suis riche, j'aurais toujours crève-faim. Amore, j'aurais tout ce que j'ai demandé. Et sur Monaco, je suis déjà parti. Sur un bateau, j'ai pris le plus grand dé. On part voir la vie comme les Émiratis. Bye, die, die. Je pense aux fans de Barley où le petit me disait bye, bye. À la moto qui freine, au canon qui dit bye, bye. À l'heure du dîner. Mon père part au travail, bientôt pas de rondaille. Bientôt pas de rondaille. Bientôt pas de rondaille. J'aimerais que le soleil me prenne dans ses bras. Filet dit pour ta mère, filet dit papa. J'suis dans ma cellule, j'ai passé tout l'hiver. Cet été, car le lambeau dans une villa face à la mer. Eh, eh. Une villa face à la mer. Eh, eh. Eh, eh. Une villa face à la mer. J'aimerais que le soleil me prenne dans ses bras. Filet dit pour ta mère, filet dit papa. J'suis dans ma cellule, j'ai passé tout l'hiver. Acheter sur la côte, il veut de quoi si vous partiez. On a galéré sa mère, passé des mois sans salaire. Et sur le bitume, se fumer la santé. Mais qu'on se voit tous épais dans l'eau. Mille ans dans une Maserati Bianco. Avoir du croco pour tous mes potos. Que demain on retombe au boulot. Hey, je t'oublierai pas tout ce que t'as fait pour moi. Là je n'ai plus les barreaux. Hey, y'a mort, on va acheter le monde entier. Je connais bien le tarot. Le petit ne fera pas comme Daniel. Et pour les ennemis, y'aura niente à bouffer. Force et honneur, on va marquer les temps sur le bitume, y'a plus rien à prouver. J'pense aux fans de Barley où le petit me disait bye bye. À la moto qui freine, au canon qui dit bye bye. À l'heure du dîner, mon père part au travail. Bientôt pas de rondaille, bientôt pas de rondaille, bientôt pas de rondaille. J'aimerais que le soleil me prenne dans ses bras. Fini dit potana, fini dit papa. J'suis dans ma cellule, j'ai passé tout l'hiver. Cet été, j'garde le lambeau dans une villa face à la mer. Eh, eh. Une villa face à la mer. Eh, eh. Eh, eh. Une villa face à la mer.